Vision. Une louve je vis sous l'antre d'un rocher allaitant deux baissons. Je vis à sa mamelle, mignardement jouer cette couple jumelle, et d'un col allongé, la louve les lécher. Je la vis hors de là sa pâture chercher, et courant par les champs, d'une fureur nouvelle, ensanglanter la dent et la patte cruelle, sur les menus troupeaux pour sa soif étancher. Je vis mille veneurs descendre des montagnes qui bordent d'un côté les lombardes campagnes, et vide sans tes pieux lui donner dans le flanc. Je la vis de son long sur la plaine étendue, poussant mille sanglots, se vautrer en son sang, et dessus un vieux tronc, la dépouille pendue.